Après cette lèvre, nous ainsi tout baisés, ce beau corps d'éphèbe à peine effleuré. J'écoute le concert de ses doigts serrés sur l'étoffe de soie, comme un doux velours, sans plus de discours, tant que durent les mois et les frissons du corps qui m'éblouissent en toi. Un orage éclate sur ma terre natale et se tournent les pages de ce beau Stendhal dans un crépitement d'éclairs, de vent mugissant et de tonnerre. M'amener jusqu'à toi, non loin de là, l'offrant du secret. Brûlera-t-elle pas enfin pour l'éternité? Dans tes yeux, je découvre la force du destin et je vis cet amour passionné, enchâssé par tes mains. Après cette lame, dans un si doux baiser, sur mon corps défait, à peine effleuré, j'écoute le concert de ses doigts serrés. Un orage éclate sur ma terre natale et se tourne les de ce beau Stendhal dans un crépitement d'éclairs, de vent mugissant, de tonnerre qui me lie à toi. Et j'entends la voix du destin qui me prend par la main. Thank you.